L'histoire des sciences est par essence une histoire positive. La postérité retient les découvertes, les inventions, les succès qui ont fait progresser la connaissance et, par là même, la société. Mais dans l'ombre de cette histoire de progrès coexiste une autre histoire, une sorte de double inverse de négatif qui serait l'histoire des erreurs. Parce qu'il n'y a aucune avancée scientifique sans un nombre considérable d'erreurs, d'errements, de tâtonnements et d'impasses. L'histoire des sciences est avant tout une immense succession d'échecs sans lesquels aucune avancée ne peut exister. C'est cette histoire que nous allons vous compter aujourd'hui quand la science se plante magistralement. Science, un film d'erreur, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour raconter ce film d'erreur, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Audouze, bonjour. Bonjour. Astrophysicien, vous êtes directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS et traducteur et préfacier du livre de votre collègue Mario Livio, Fabuleuses erreurs de Darwin à Einstein, c'est au CNRS édition. Et nous sommes en ligne avec Girolamo Ramouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire des sciences et des techniques au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous êtes auteur des lieux des erreurs scientifiques, c'est aux éditions du Cavalier Bleu. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et en parallèle via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Pourquoi est-il, c'est la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux pour commencer, pourquoi est-il important, sinon essentiel aujourd'hui, de raconter cette histoire des sciences par l'erreur, Girolamo Ramouni? Oui. Je donne un texte très simple. James Lawrence, il écrit « Les erreurs sont les portes de la découverte ». Bon, voilà mon projet. Il faut faire des erreurs pour ouvrir autre chose. Voilà. Jean-Audouze. Ben pour moi, si vous voulez, je suis assez popérien dans le sens où, donc, il y a un philosophe autrichien au début du XXe siècle qui a donné une définition de la science. Il a dit la science, c'est ce qui est falsifiable. Donc, pour que falsifier, ça veut dire erreur. Ça veut dire que, effectivement, le scientifique est confronté à une vérification, et généralement la vérification se traduit par ce qu'on appelle un échec ou un insuccès, et je dirais que l'erreur, c'est pour moi, c'est pas négatif, c'est le cheminement normal de l'avancée de la science. Oui, c'est que Karl Popper, on a beaucoup parlé du principe de réfutabilité autour de cette antenne, finalement l'histoire des sciences, c'est l'histoire de cette maxime jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que exactement, notre connaissance scientifique est vraie jusqu'à ce qu'elle se transforme à nouveau en erreur. Prenons par exemple, une des grandes découvertes, c'est Newton, la gravitation universelle. Eh bien, il faut attendre près de 200 ans pour que Einstein démontre que, effectivement, dans certaines conditions, eh bien, cette théorie ne s'applique plus et que, effectivement, il faut une autre théorie qui est la relativité. Et il est possible que, dans 50 ans, 60 ans, la théorie de la relativité, ben, on s'apercevra qu'elle était elle-même approchée et qu'il y a quelque chose de mieux à mettre devant pour expliquer ces phénomènes. Ça, c'est l'histoire du continuum des découvertes scientifiques. Par ailleurs, je le disais dans cette introduction, Girolamo Ramouni, il n'y a pas de découverte sans une quantité immense d'essais, d'impasses, de tentatives infructueuses. Et vous voulez vous plaider dans votre livre pour finalement considérer cette épistémologie de l'erreur et pas juste cette erreur comme un rebut de l'histoire des sciences. Non, c'est pas un refus des sciences. Quand vous parlez de la relativité, vous ne parlez pas de Poincaré. Or, Poincaré a fait la même chose en France. Et ce qui est intéressant, que Poincaré a été poussé à faire ça par des techniciens de l'électricité. Or, Einstein était en Suisse pour suivre ce qui était déposé comme vérification de la technique sur l'électricité. Et alors, il y a là une base. mais il y a des différences. Or, ça veut dire que quand on parle de la relativité, il faut dire qu'il y a différentes manières de penser. Et alors, Poincaré est mort en 1912, si je me trompe, et bon, il n'a pas fait la relativité globale. Mais il avait écrit un document sur ça. Jean 12, oui. Juste, ça veut dire, moi je suis d'accord avec vous, on peut l'analyser par exemple dans la recherche sur l'ADN, c'est-à-dire que plusieurs équipes, plusieurs équipes sont ensemble, il y en a une. Bon, je veux dire, Pauline n'a pas trouvé l'ADN, parce qu'il a commis une bêtise, que j'en parlerai peut-être tout à l'heure. C'est l'une des erreurs qu'il y a dans le livre. Il était sur le chemin, je veux dire, il y avait plein de gens. Ce que vous décrivez là, c'est effectivement le fait que à un certain moment de l'histoire des sciences, il y a plusieurs personnes qui ont des inspirations extrêmement proches. Il y a des faisceaux convergents, disons. Et puis il y en a un qui a la chance de le dire plus tôt, 3 mois plus tôt, ou parce que vous le savez bien, la science c'est pas seulement un jeu de erreurs et de succès, c'est également une espèce de course, et la course à l'antériorité. Et donc ça c'est effectivement un bon exemple d'une course à l'antériorité où il a fallu rien pour que Poincaré soit effectivement le découvreur de la relativité. Jérôme Ramouni, il y a quelque chose, en fait, plus généralement, vous écrivez au début de votre livre « Lieu des erreurs scientifiques », la science est historiquement bâtie contre l'erreur, et c'est vraiment contre ça que vous voulez lutter, que vous essayez de lutter dans le livre que vous écrivez autour de ces lieux historiques des erreurs scientifiques. Il faut toujours dire qu'il y a des variances, des oppositions terribles. Bon, prenons le problème de la marée. Non, Galilée a écrit que les marées, il y en avait deux ou une. Ah, c'est faux. Parce qu'il n'a pas vu, même en Méditerranée, qu'il y a quatre marées. Alors, il s'est trompé parce qu'il n'a pas vu. Mais il a fallu attendre le 19e siècle qu'il soit effacé. Alors, les gens ont été formés sur l'idée de Galilée. Moi, je dirais pas que la science s'est fait pour contrecarrer l'erreur. La science, c'est un discours aussi, ce que j'appelle objectif, c'est-à-dire que vous ou moi, nous pouvons vérifier avec nos moyens l'énoncé, mais on sait très bien, pardonnez-moi, mais pas ce que là, par exemple, on fait des observations des planètes, des exoplanètes. Bon, on a un corpus objectif qui est peut-être erroné. À la fin du 19e siècle, tous les physiciens pensaient qu'il y avait un éther, c'est-à-dire une substance. Et tout le monde s'est trompé. Cette question de l'éther, de l'héliocentrisme, on parlera du phlogistique tout à l'heure, qui font partie des grands errements, des grandes impasses de la pensée scientifique conceptuelle. Un dernier mot, Girolamo Ramouni, puis on va vous libérer. Pourquoi est-ce que vous avez voulu rendre ces erreurs géographiques? Pourquoi est-ce que dans votre livre, vous avez souhaité parler des lieux des erreurs scientifiques? Oui, parce que c'est toute l'Europe, et après les États-Unis, il y avait des visions différentes. Et donc, ils se trompaient sur le passé et pas changeaient pour l'avenir. En France, si vous voulez, j'ai écrit que la vision de l'électricité était fausse. Et il y a un problème de base dont on ne parle jamais, qu'en France, l'Académie des sciences avait écrit dans le nom d'énergie n'existait pas. Ah, donc... Le nom, pardon, le nom de... Excusez-moi, on ne vous a pas bien entendu. C'est l'encyclopédie de Diderot et ça. Et l'Académie avait dit que ce qui est la base de toute la science, c'est l'énergie. Mmh. Et ils ont dit, non, il faut jamais utiliser ce mot. L'énergie, ça, d'accord. Jusqu'à 1950, quand, après la guerre, bon, tous les pays se sont mis à l'évolution de l'électricité, ils ont dû adopter ça. Donc, il faut dire que dans le concept de la science, peut-être il y a des erreurs. Et comme se débarrasser pour ouvrir la porte à d'autres visions, et surtout dans les écoles. Comment imposer qu'il n'y a pas l'énergie? Qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Moi, je dirais un petit, enfin, à peu près de façon identique, c'est-à-dire que la science, c'est une activité humaine. Il y a ce qu'on appelle des écoles. Je vais prendre un exemple, l'école en mécanique quantique. Il y a eu un fameux duel entre Einstein et Niels Bohr. Niels Bohr, c'était l'école de Copenhague. Einstein vivait à Princeton. Et une partie de leur querelle venait du fait qu'effectivement ils n'étaient pas au même endroit et qu'effectivement ils avaient chacun débattu ou observé ou comment dire analysé les mêmes phénomènes mais de façon différente. Et donc je suis pas surpris que effectivement on peut géographiser, il y a des erreurs qui effectivement sont non seulement temporel, mais aussi par exemple sur l'ADN et les protéines. Eh bien l'ADN a été anglais et les protéines ont été américaines parce que effectivement les erreurs n'ont pas été commises au même moment. On va relâcher Girolamo Ramouni, les lieux des erreurs scientifiques, aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce début d'émission. On va continuer à parler tout au long de cette heure des erreurs scientifiques et de leur importance dans la conception de l'histoire des sciences et de l'épistémologie. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Jean Audouze, astrophysicien, directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS, traducteur et préfacier du livre de votre collègue Jean Audouze, Mario Livio, Fabuleuses Erreurs de Darwin à Einstein, au CNRS édition. J'aimerais que vous me disiez un mot du titre original, hein, parce que le titre original, le mot que Mario Livio emploie, c'est pas mistake, c'est pas erreur, c'est brilliant blunders. Alors blunders, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent en français. Ça veut dire que ça peut être errant, ça peut être fatal, quelque chose de malencontreux qui arrive. C'est pas une erreur exacte. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le livre, l'un d'entre eux ne commet pas au sens propre d'erreur. Par exemple, Fred Hoyle, on peut pas dire qu'il commet des erreurs. Simplement, il va s'entêter à imaginer que l'univers se comporte comme lui, il le souhaiterait. Et donc, c'est impasse. Enfin, blunder, c'est, vous savez, dans les traductions, il y a beaucoup de choses, comment dire, subtilité, qui, hélas, ne passe pas d'un mot à un autre. C'est intéressant parce que du coup, on va parler parce que c'est Mario Livio, le livre de Mario Livio se structure autour de 5 grands scientifiques, des scientifiques d'ailleurs de la modernité. Vous nous en direz un mot tout à l'heure, Jean Audouze. C'est vrai qu'on remonte pas à Gallieni, on ne refait pas entre guillemets le procès de l'héliocentrisme, de l'éther ou du phlogistique dont on reparlera également dans cette émission. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à une sorte de cartographie un peu de ces erreurs, de ces errements scientifiques. Oui, alors il a choisi il y a un fil rouge. ces cinq personnages s'intéressent à l'origine. Origine de la vie pour Darwin, origine de la Terre pour Kelvin, origine de la vie pour, ou plus exact, de la vie à nouveau, ou de l'hérédité, ou de la génétique. Pour Pauling, origine de l'univers, et pour les deux, c'est à savoir Einstein et Fred Hoyle. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les erreurs sont de nature, enfin, il y a que cinq personnages, mais il y a au moins déjà cinq types d'erreurs très différentes. Il y a des erreurs, je dirais, factuelles, par exemple, pas bêtes, mais que on dit il n'aurait pas dû la commettre. Par exemple, Pauling s'est complètement trompé, a fait une erreur d'un étudiant de troisième cycle en chimie. C'est-à-dire qu'il a inventé un modèle d'ADN qui était totalement absurde. Et alors, bon, le livre explique pourquoi il est arrivé à cette absurdité. Mais bon, ça, c'est, disons, une erreur basique. Mais il y a des erreurs très, très subtiles. Alors là, l'erreur la plus subtile, c'est celle que enfin, en fait, c'est pas une erreur, de fait. C'est l'Einstein. C'est la constante cosmologique. Oui. On en reparlera. On va prendre du temps pour parler d'Einstein et de cette constante cosmologique parce qu'elle est intéressante à plein d'égards. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces parcours, le fait que ce soit des scientifiques célèbres, il est important de rabibocher, en fait, ces scientifiques qui ont marqué l'histoire des sciences positive de l'histoire des sciences, de la découverte, du progrès scientifique, et de montrer qu'ils ont pu se tromper, qu'ils ont pu être à côté de la plaque, qu'ils ont pu exercer des raisonnements qui n'ont pas été retenus, eux, par l'histoire des sciences. C'est vrai. Alors, on ne parle que de cinq d'entre eux, mais de fait, on rencontre d'autres personnages. Par exemple, Crick et Watson, on dit qu'ils ont trouvé l'ADN, mais avant de le trouver, ils ont commis des erreurs peut-être même plus pendables encore que celles de Pauling. Ça veut dire que, on peut le dire, il n'y a pas de grands scientifiques sans d'énormes erreurs. Je crois que c'est lié à la... C'est intrinsèque. C'est un peu comme séparer l'esprit et le corps, je veux dire. L'erreur, elle est à l'intérieur même de la recherche. De la même façon que, supposons, nous sommes tous les deux explorateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, on va aller dans un chemin. Forcément, il y a 99 chances sur 100 que ce chemin ne débouche sur rien. Ça va être considéré comme une erreur. Mais je veux dire, je retiens de ce mot, enfin, son côté extrêmement positif. Et ce que je regrette un peu dans le système éducatif général, c'est que on déprécie l'erreur. L'erreur fait partie justement de ce processus. Alors évidemment, il faut pas commettre des erreurs volontairement. Il faut évidemment rappeler aux gens que l'erreur, ben, c'est lorsque on sait pas très bien. Enfin, je veux dire, toutes ces erreurs qui sont relatées dans le livre, elles ont une histoire et elles n'ont pas été commises pour le plaisir de faire une erreur, vous voyez. Mais en revanche, elles sont, je dirais, naturelles. Enfin, prenons l'exemple de l'erreur de Kelvin qui se trompe à un facteur 10 dans l'âge de la Terre. Ben, le malheureux, il n'avait pas à sa disposition la théorie de la radioactivité et le fait que Rutherford a démontré quelques années après que l'âge de la Terre, ce n'était pas de 100 millions d'années, mais c'était de 4,5 milliards d'années. Donc, comment dire? Oui, on commet aussi des erreurs parce que on n'est pas calé, on n'a pas les éléments pour ne pas la commettre, vous voyez? Oui, et puis pour Crick et Watson, on peut aussi préciser qu'ensuite, ils sont allés aussi copieusement piller les travaux de Rosalind Franklin, dont nous avons parlé au cours de cette heure dans une autre émission. On va vous mettre évidemment, comme toujours, le lien sur le fil Twitter de l'émission. On va prendre un autre exemple qui est intéressant, que vous développez dans le livre. On va commencer par cet exemple qui est intéressant parce que on en a des archives sonores, on entend l'erreur s'enfoncer dans l'erreur, en quelque sorte. Écoutez. I don't believe in the Big Bang because... Je ne crois pas au Big Bang. Il y a eu une théorie plutôt bien travaillée comme quoi le Big Bang est supposé être arrivé. Mais je pense que cela n'est probablement pas juste. Il y a trop d'arguments pour moi, pour leur donner du crédit, qui sont éloignés des observations astronomiques. Bien évidemment, nous ne pouvons pas observer ce qu'il s'est passé il y a 10 milliards d'années, tandis que nous pouvons observer ce qu'il se passe au centre de la galaxie aujourd'hui. Et donc je préfère toujours choisir l'alternative qui nous autorise à effectuer des observations dans le présent. Je n'aime pas l'idée de quelque chose qui dépend d'un événement qui n'a pas pu être vérifié. Voilà, alors justement, Jean-Douze, qui vient-on d'entendre? D'abord, on vient d'écouter Fred Hoyle. C'est lui qui a inventé le mot Big Bang. C'est ça. Le mot Big Bang a été inventé par un adversaire de la théorie du Big Bang, justement. On pourrait dire que l'histoire est un peu cruelle avec Fred Hoyle. Et alors, parce qu'il a utilisé Big Bang pour déprécier, en fait. Vraiment. Et alors là, il dit quelque chose qui est... Alors, à son époque, c'était pas faux. C'est vrai qu'on n'avait aucun moyen de remonter à 10 milliards d'années. Mais aujourd'hui, depuis 1992, puis 2001, puis 2012, il y a des satellites qui observaient effectivement l'univers 300 000 ans après sa naissance. Et donc, le fond du cycle cosmologique. Donc, ce qu'il dit, je ne crois pas aux observations effectivement, il a raison. À cette époque-là, on pouvait pas. Mais maintenant, effectivement, je veux dire, Monsieur Hoyle, je suis désolé, nous avons les moyens de voir ce qu'était l'univers il y a 10 milliards d'années. Alors Fred Hoyle est malheureusement décédé en 2001. L'archive date de, je vais redemander ça à mon réalisateur. 1950. L'archive date de 1950. Environ. On va vérifier ça. Peut-être repréciser un peu, Jean Audouze, le contexte et qui était Fred Hoyle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, le Big Bang s'est imposé comme une théorie majoritaire. Ensuite, il y a d'autres options, mais on va pas rentrer dans le détail. Mais Fred Hoyle a été un astrophysicien extrêmement en vue, dont la théorie de l'univers stable a été concurrente pendant de longues années avant ce que vous dites, c'est-à-dire avant les premières preuves observationnelles. Ah ben jusqu'en 1900. Moi, j'ai vécu. Donc, j'étais étudiant en 1962-63. À cette époque-là, on croyait dur comme fer à la théorie de la création continue. C'est-à-dire que c'était considérer le Big Bang, c'était une idée de Gamow, c'est-à-dire une idée jugée farfelue par les autres. Et il a fallu 1965, il a découvert du rayonnement à 3 degrés K pour évidemment faire un grand coup à la théorie de Hoyle, Bondi et Gould. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, il faut savoir que Hoyle demeure un immense scientifique, parce que c'est quand même lui qui a découvert l'origine des éléments chimiques. Alors on peut revenir un peu sur le cheminement intellectuel qui pousse Fred Hoyle à vraiment continuer et à garder dur comme fer sa théorie face à la théorie du Big Bang. Ça commence par effectivement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la formation des atomes lourds. Il commence à se demander comment se fait-il qu'il y ait tant d'oxygène et si peu d'or. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors effectivement, il fallait résoudre un problème absolument considérable qui était de sauter de l'hélium au carbone. Et ça, parce qu'il se trouve, la nature est ainsi faite qu'il y a un fossé immense de la masse 5 et la masse 8. La masse 5 et l'hélium 5 ou lithium 5 sont totalement instables. Et là, le beryllium 8, il a une durée de vie très courte, 10.16 secondes. Alors il a pas été seul. Là aussi, on retrouve quand même la marque dont on a parlé tout à l'heure, hein, Poincaré versus Einstein. Et ils sont deux à se dire il faut passer par le stade. Deux héliums vont donner un beryllium 8. Et pendant que le beryllium 8 se tend, il va recevoir un autre hélium et passer à carbone 12. Alors, les premiers calculs ont été faits également par Saulpeter, Edwin Saulpeter, qui, par parenthèse, était le patron de thèse d'Hubert Reeves. Hein, donc, c'est mon grand-père spirituel. D'accord. Voilà. Et donc, mais il a commis, comment dire, il a commis une erreur parce que il a mal évalué. Donc, en fait, ça ne s'arrêtait pas. On allait à l'oxygène et puis, etc. Et Fred Hoyle a eu une intuition absolument considérable, c'est de dire pour que ça marche, il faut que le carbone 12 ait une caractéristique, enfin le noyau de carbone 12 ait une caractéristique de physique atomique, de physique nucléaire, c'est-à-dire un niveau à quelques mètres. Et on va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission ces réactions en chaîne pour que vous le visualisez bien entre deux hélium 4 qui forment un beryllium 8. Voilà, puis, c'est ça. Si vous le voyez, ça va devenir alors, beaucoup plus concret. Si vous voulez, l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait que la réaction de rajouter un hélium 4 vers hélium 8 soit amplifiée par un phénomène qu'on appelle la résonance. Hein, de la même façon, l'effet Larsen, si vous voulez, de la réaction. Et donc, il faut qu'il y ait que l'ensemble beryllium 8 plus hélium 4 soit dans un état énergétique comparable au carbone 12. Et alors, il va voir ses collègues du Caltech et il dit, moi, je vous prédis qu'à 4,4 MeV, une certaine énergie, vous devez trouver un niveau du carbone 12. D'abord, au début, ils disent, allez, on a autre chose à faire que de passer votre chemin. Puis finalement, ils se mettent à faire l'expérience et ils le découvrent. Ça veut dire que l'astronomie a permis une découverte dans l'infiniment petit. Et ça paraît totalement, anecdotique. Mais s'il n'y avait pas ce niveau d'énergie, vous et moi, on ne serait pas là, je veux dire. C'est ce qui explique, c'est la porte d'entrée de toute la formation des éléments lourds. Et donc ça, Fred Hoyle a trouvé ça et pour moi, ça représente quelque chose de fabuleux du point de vue de l'histoire des idées. Bien sûr, et c'est effectivement très important. Mais quel est le cheminement intellectuel qui va conduire justement Fred Hoyle à cette compréhension de la formation des noyaux lourds, à du coup l'hypothèse que le Big Bang n'est pas possible, mais que finalement tous ces éléments lourds n'ont pas été formés à l'origine de l'univers comme le supposait le Big Bang, mais que finalement tout ça fait partie de la nucléosynthèse, donc des réactions nucléaires qui ont lieu dans le cœur des étoiles. Alors il y a plusieurs raisons. Il y en a une première, c'est que Gamow avait essayé d'expliquer la formation de tout au début, faire de la nucléo. Et puis il avait oublier qu'il y avait la masse 5 et la masse 8 qui arrêtaient tout l'ensemble. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Fred Hoyle avait horreur de deux choses. La première, il n'aimait pas les choses inexplicables. Et deuxièmement, il avait une tendance à choisir des théories qui n'étaient pas admise par tout le monde. Il adorait le paradoxe, il adorait ça. Et d'ailleurs, ça se voit parce que, lorsque, après la découverte du rayonnement à 3 degrés K, il n'a pas été convaincu. Et alors, il a, avec Gold et Bondy, ils se sont intéressés au fait que, normalement, s'il y a du Big Bang, il doit y avoir plus de radiosources énergétiques dans le passé que dans le présent. Donc, les radioastronomes sont en mesure de répondre à ça. Et au début, Ryle, qui était un ennemi, faut pas oublier que la science, c'est une histoire humaine, hein, c'est avec des inimitiés, des amitiés. Et en tout cas, donc Martin Ryle était dans la même ville à Cambridge que Fred Hoyle, il s'entendait pas beaucoup, et Martin Ryle ne cherchait effectivement à démontrer que Fred Hoyle avait tort. Alors il a commencé par faire des mesures et Gold a montré que c'était totalement absurde. Et puis un jour, il a démontré qu'il y avait plus de radiosources dans le passé que dans le présent. Et alors là, il y a une scène qui est relatée dans le livre. Oui. Où effectivement, non seulement il s'est pas contenté de montrer qu'il avait raison, il a franchement ridiculisé Fred Hoyle, ce qui était un peu scandaleux parce que je veux dire, on a le, enfin, dans ce genre de débat, on a le droit de d'être aimable avec les adversaires. On peut entrer dans des controverses publiques tout en restant gentleman. Voilà, et là il a, Ryle ne l'a absolument pas été. Mmh. En tout cas, simplement pour dire que tout, mais alors, ce qui est sidérant, c'est qu'après toutes ces, malgré je crois que l'erreur ou le blunder, si vous voulez, donc l'errement de, c'est que malgré l'accumulation de preuves observationnel en faveur du Big Bang, eh bien, jusqu'à la fin de sa vie, qui se situe en 2001, eh bien, Fred Hoyle n'a jamais cessé de croire, d'éviter le Big Bang. Let's be gentle, be soft in my arms. This moonstone's been brewing and praying in the bars. Your mother is sleeping, I'll play my guitar. Twilight is keeping us close to the stars. Here's where the stories live here with the bees of the kindly old night wrapped warm in her fleece. Oh, dream about day, dream and be full of Orion, his bow, the plow. My darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling. Oh my darling, darling, en l'occurrence, c'est Einstein dans ce titre de Johnny Flynn, Einstein's ID, puisque nous allons parler tout à l'heure, dans quelques minutes, d'Einstein, qui est l'un des grands scientifiques qui est convoqué dans ce livre de Mario Livio, Fabuleuses erreurs de Darwin à Einstein, qui a été traduit et préfacé par Jean Audouze, qui est notre invité. C'est un livre qui est publié au CNRS Édition. Jean Audouze, que vous connaissez, qui est astrophysicien, et que nous avons reçu déjà à quelques reprises dans cette émission. Alors, au rang des erreurs historiques, arrangé aux côtés de ce que l'on évoquait tout à l'heure, de l'éther ou de l'héliocentrisme, il y a la notion de chaleur qui a longtemps échappé aux scientifiques et qui ont, pour l'appréhender, inventé le phlogistique avec un pH phlogistique, tout à fait. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Palais de la Découverte pour refaire l'expérience qui a permis de réaliser qu'il s'agissait bien d'une erreur. Une série d'erreurs, en fait, entre le phlogistique et le calorique qui sont des théories aujourd'hui obsolètes. Les savants sont restés longtemps dans l'erreur au sujet de la chaleur et de la combustion. En fait, c'est qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre la réalité physique derrière la sensation de chaleur. Pour une raison, c'est qu'ils ne connaissaient pas le mouvement brownien, c'est-à-dire l'agitation des molécules. Par exemple, plus un gaz est agité, plus il est chaud. Et inversement, plus un gaz est détendu, plus il est froid. Et pour comprendre ce principe, je suis allée voir Camille Fadel, qui est responsable du département physique au Palais de la Découverte. La théorie du phlogistique est née quelque part au XVIIe siècle. On cherchait à comprendre ce qu'était le feu, la chaleur. Et on a supposé que une flamme, la chaleur, c'est un élément, comme le fer est un élément, le phlogistique est un élément. Et lorsqu'une substance brûle, mettons un bout de papier qui s'enflamme, on s'imaginait que le feu était déjà dans le papier, mais fixé. Et quand le papier commence réellement à brûler et on voit les flammes, c'est ce feu qu'on appelait phlogistique qui sort en fait. Alors ça, c'était des idées de George Stahl, qui était médecin. Et alors, quels étaient vraiment les problèmes physiques liés à ce postulat, à cette théorie ? Alors, en particulier, le fait que si le phlogistique fiche le camp, ce qui reste devrait peser moins. C'est effectivement le cas, les cendres pèsent moins que le papier. En revanche, cette même théorie du phlogistique expliquait la rouille qui se forme sur le fer, par exemple, qui rouille. Or, on s'aperçoit que le fer pèse davantage. Et du coup, on se dit... un gain de masse pour les métaux. C'est ça. Les métaux, et en particulier le fer et la rouille, il y a un gain de masse. Et du coup, on commence à un moment à se demander si le phlogistique n'aurait pas une masse négative. Donc en partant, ça rend plus lourd. Mais après, ça ne collait pas avec le reste. On sent qu'il y a un problème. Et puis, c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on découvre d'une part l'oxygène. C'est l'anglais Priestley qui découvre l'oxygène. Et Lavoisier montre que la combustion, en fait, c'est un ajout d'oxygène. C'est l'oxydation, c'est ça la combustion. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fiche le camp, c'est quelque chose presque l'inverse. C'est quelque chose qui s'ajoute, l'oxydation, l'ajout d'oxygène, c'est ça le processus de combustion. Mais à ce moment-là, du coup, Lavoisier, en rejetant l'idée qu'il y a un feu qui est interne, le phlogistique qui est dans le matériau, les matériaux qui sont combustibles, remplace le phlogistique parce que le fait qu'il y ait de l'oxygène ne répond quand même pas à ce qu'est la chaleur. Et Lavoisier suppose que la chaleur est un fluide qu'il appelle calorique. Donc on en revient toujours au recours d'une substance oui. Un peu mystérieuse pour expliquer le phénomène de la chaleur. C'est ça. La chaleur reste quand même liée à une substance. Donc Lavoisier améliore un peu la théorie, mais il reste dans l'erreur malgré tout. Voilà. Lavoisier comprend que la combustion, c'est un ajout d'oxygène, donc ce n'est pas une fuite de phlogistique. Mais la question demeure, qu'est-ce que la chaleur ? Et Lavoisier pense que c'est un fluide qu'il appelle calorique. Mais aujourd'hui, on sait que la chaleur n'est plus ça. Et on le sait depuis la deuxième moitié du 19e siècle, on va dire. Avec la mise en évidence des mouvements browniens. C'est ça. On commence à supposer que la température d'un corps, c'est simplement l'agitation des atomes qui composent le matériau. Donc en fait, Lavoisier n'avait pas les outils nécessaires pour comprendre ce qu'était réellement la température. C'est cela, oui. Alors là, on a les outils. Est-ce qu'on pourrait trouver une expérience pour mettre en évidence cette agitation moléculaire ? Alors nous avons plusieurs expériences, mais nous, on va faire une expérience dans laquelle nous allons bousculer les molécules de l'air à l'aide d'un piston. Et la température de cet air va tellement grimper qu'un bout de papier placé à l'intérieur d'un cylindre dans lequel le piston va coulisser va prendre feu. C'est un cylindre qui fait 20 cm de long environ, transparent, c'est en plastique. Je vais boucher une des extrémités de ce cylindre et à l'autre extrémité, je vais mettre un piston qui va pouvoir coulisser à l'intérieur du cylindre. Mais avant, je vais mettre dans le cylindre un bout de papier. Donc voici un bout de papier que je découpe, je le mets dans le cylindre, je bouche, voilà, cette extrémité. Oui. Vous allez pouvoir introduire le piston, on va voir ce qui se produit. On a du coup actuellement le cylindre, il est vertical, bouché à son extrémité inférieure. Et en bas, il y a un bout de papier que je vais mettre dedans. Maintenant, j'introduis le piston par l'ouverture supérieure. Je vais bien tenir fortement le cylindre dans ma main. Et avec l'autre main, je vais bousculer le piston vers le bas. Et ce piston, en descendant, la tête du piston va percuter les molécules de l'air qui se trouvent sur son chemin. Au moment de ces chocs, ces molécules seront balancées dans tous les sens. Donc leur vitesse d'agitation va augmenter, ce qui veut dire que la température va grimper. Et cette élévation de température va mettre le feu au bout de papier. Il faut savoir que le papier s'enflamme aux alentours de 240 degrés. Ça dégage beaucoup d'énergie et ça va boum, bousculer vers le haut. On y va ? 1, 2... Ah oui ! C'est très vraiment, furtif, hein, ouais. C'est vraiment incroyable. Et le papier est complètement calciné. Hein. Et le papier, on voit même la fumée, là. Regardez, si vous sentez, ah oui, ça sent le brûlé. Donc en comprenant cette mesure de la température et la chaleur, on fait un saut quand même conceptuel en physique. Voilà, mais ça c'est, comme je vous le disais, c'est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc ça veut dire que même si la chaleur et la notion de température, c'est quelque chose d'assez finalement palpable, parce qu'on sent des choses, nos sens nous permettent de savoir si c'est chaud ou pas, d'un point de vue physique, c'est beaucoup plus difficile à comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique. Voilà le reportage de Céline Lozen, qui était la plus grande fan de l'équipe de C'est pas sorcier, qui va refaire des expériences au Palais de la Découverte. C'est magnifique. Jean Audouze, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Mais, à la fois, c'est tout à fait... l'explication sur l'abandon du phlogistique, je partage entièrement tout ce qu'a dit Camille Fadel, que je connais, que j'ai le plaisir de bien connaître et d'être ami avec. Là où je suis... Enfin, je me permets de juste une modeste critique, c'est qu'il faut... On n'a pas attendu la deuxième partie du 19e pour avancer. Déjà, je prends l'expérience qu'il a décrite, à savoir on comprime en fait l'air dans un piston et puis on s'aperçoit que la température augmente et à ce moment-là que le papier se met à brûler. Mais ça, monsieur l'abbé Mariotte en France et Boyle, au 17e ou en Angleterre, ils savaient ça déjà, que PV égale RT, c'est-à-dire que si j'augmente la pression, si je diminue le volume, eh bien, l'air va se mettre à se chauffer et donc le papier va brûler. Deuxièmement, il faut pas oublier que la compréhension entre énergie, chaleur, avait déjà fait avant, dans la première partie du 19e, avec les travaux de Carnot, qui est le deuxième principe de la thermodynamique, avait déjà fait des progrès assez considérables. Alors effectivement, le grand nom de la thermodynamique, c'est Clausius, qui est l'inventeur du principe de ce qu'on appelle l'entropie, ENTROPIE, hein, le désordre, et qui effectivement... La seconde loi de la thermodynamique. Voilà, et donc c'est ce monsieur, effectivement, date des années 1850-1860. Enfin, il avait des précurseurs. Ce qui est intéressant, ce sur quoi j'aimerais vous faire réagir, Jean Audouze, c'est que le phlogistique, l'éther, ce sont, d'une certaine manière, dans cette contre-histoire des erreurs scientifiques... finalement, des tentatives de concepts pour essayer d'appréhender une réalité pour laquelle on n'est pas suffisamment encore outillé à l'époque. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, comment dire, la science, elle progresse pas de façon linéaire. Elle va progresser par à-coups. Et donc, le phlogistique, c'est un à-coup de la science. C'est-à-dire que pendant un siècle à peu près, les chimistes et les physiciens ne vont pas comprendre la combustion. Et alors, ils inventent quelque chose qui, effectivement, permet de rendre compte rationnellement du phénomène. Et puis, il faut beaucoup d'expérience, et en particulier, Lavoisier a joué un rôle quand même considérable dans l'abandon du phlogistique, puisque c'est la fameuse... Lavoisier est le père de la loi de conservation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est avec ça que le phlogistique, évidemment, disparaît. Il en est de même pour l'éther. L'éther a été inventé pour essayer de comprendre le fait que les lois de la thermodynamique n'expliquaient pas la répartition du rayonnement électromagnétique à la fois dans les grandes longueurs d'onde et dans les petites longueurs d'onde. Donc il y avait quelque chose qui échappait à la compréhension des physiciens de l'époque. Et donc ils inventent cet éther, c'est bon. Et puis évidemment, heureusement, donc il y a Planck d'un côté et puis Einstein de l'autre, qui la mécanique quantique qui résout le problème, hein, c'est-à-dire qui effectivement donne... Donc le grain de lumière n'a pas de masse, mais il a une énergie, et cette énergie se l'effet photoélectrique démontre que si un photon est trop rouge, eh bien il ne déclenche pas l'effet photoélectrique. Il faut qu'il ait une certaine énergie pour le déclencher. Et donc on pourrait dire, je vais me faire peut-être décapité en sortant de ce studio. En sortant du studio, certainement pas. Ensuite, après, quand vous serez de retour dans dans la vie civile, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Mais les auditeurs sont gentils. Non, je vais. Il y a une des grandes difficultés actuelles qui est effectivement de rassembler la mécanique quantique et la relativité. Et donc, on invente actuellement, c'est une industrie, qu'on appelle la théorie des cordes. C'est-à-dire qu'on remplace... Deux grandes théories, la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle de l'autre côté. Voilà, exactement. Donc, ça semble marcher. Mais moi, je ne serais pas surpris. Je pense qu'on est... vis-à-vis de la théorie des cordes, un peu comme l'étaient les chimistes du XVIIIe siècle avec le phlogistique. C'est-à-dire qu'on a, en fait, on invente quelque chose qui permet de surmonter une difficulté. Un outil conceptuel qui permet d'appréhender une réalité qui n'est pas possible, qui résiste à la compréhension du corpus scientifique contemporain. Mais rien ne dit que cette explication... Et la bonne. Voilà. Mais d'une certaine manière, alors c'est peut-être moi qui vais me faire décapiter et pas vous, finalement, on sortira ensemble, on verra lequel s'est fait décapiter le premier. Mais finalement, quand on propose la matière noire ou l'énergie noire, on ne fait pas autre chose. Tout, c'est exact. Moi, je suis totalement inconfortable avec le fait qu'on appréhende 5% du contenu matière-énergie de l'univers et le reste, on le met... Oui, c'est l'espèce de... C'est un peu comme le phlogistique, c'est-à-dire, vous imaginez que le physicien est un balayeur, alors il va mettre la poussière, il va la mettre sous le tapis, et c'est un petit peu ça le phlogistique, peut-être qu'un jour on découvrira la matière noire, L'observera. On l'observera peut-être, donc il faut pas, mais pour le moment, c'est pas très satisfaisant pour l'esprit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, Albert Einstein ne fait pas autre chose lorsqu'il ajoute sa fameuse constante cosmologique à ses calculs. Ben oui, il fait ça. Rappelez-nous, Jean Redouce, qu'est-ce que c'est que cette constante cosmologique? Alors, D'où elle sort, voilà. Si vous appliquez la théorie de la relativité générale simplement, c'est-à-dire la plus simple possible, nécessairement, l'univers est en expansion ou en contraction. Ça a été démontré par plein de gens, en particulier Hawking et Penrose. Mais bon, à l'époque, donc, c'était pour Einstein très déplaisant. Alors, il invente quelque chose qui empêche justement l'expansion, qui est une sorte de pression négative, et on l'appelle constante cosmologique, ça veut dire que si on la dérive, eh bien ça s'annule, donc on peut la rajouter sans problème. On la rajoute aux équations, et en fait ça a l'effet inverse de l'attraction gravitationnelle. Tout à fait, voilà. Alors, 1917, on invente ça, tout le monde est content, de 1917 à 1927, personne n'y retrouve à redire. Et puis, en 1927, alors c'est annoncé par Hubble, Mais l'abbé Lemaître a donné, lui aussi, elle l'avait observé. Donc, il y a l'expansion de l'univers. Alors là, effectivement, Einstein, il est bien embêté parce que l'univers est en expansion. Donc, il est obligé. Là, il reconnaît que sa constance cosmologique est pas nécessaire. Et puis, on est en 1927. Donc, de 1927 à 1998, pas de problème. Bon, on considère qu'effectivement, la constante cosmologique, c'était... on peut s'en passer. Voilà. D'ailleurs, Einstein, je vous interromps, pardon, et puis on va poursuivre l'histoire, Jean Redouce, mais tant qu'on est avec Einstein, la légende dit qu'il aurait dit que cette constante cosmologique était la plus grande erreur de sa carrière. Or, dans le livre, Mario Livio prouve que Non, il l'a pas dit. C'est toujours Gamow. Gamow était un être remarquable, mais très facétieux, et il a trouvé, enfin, on l'explique pendant une bonne vingtaine de pages dans le bouquin, pourquoi Gamow a trouvé amusant de dire que la constante cosmologique était la plus grande erreur de la vie d'Einstein. Alors, ceci étant, on va maintenant, ça croise une partie de ma propre histoire, parce qu'en 86, j'étais donc dans un comité qui déterminait les grands programmes du télescope spatial. Et on estimait qu'effectivement, du télescope Hubble. Et on estimait qu'effectivement, il fallait déterminer la loi de Hubble, mais sur des grandes distances. Et pour le faire, il fallait observer pendant des temps très longs les supernovae dans des galaxies très lointaines. Donc, du temps de télescope a été donné, mais ce que je veux dire, du temps long, parce que ça, c'est voir des supernovae très lointaines, ça prend beaucoup d'heures, même du télescope spatial Hubble. Donc, à l'issue de ces travaux, il y a eu donc deux groupes d'astrophysiciens qui ont été désignés pour observer les supernovae très très lointaines et puis d'en déduire, de regarder comment la loi de Hubble, la loi de l'expansion, s'appliquait. Voilà. Et en 98, il y a un grand coup de tonnerre. Eh bien là, normalement, puisqu'il y a de la matière, ça devrait freiner. Or, ça ne freine pas, ça s'accélère. Ça veut dire qu'effectivement, il faut une pression négative. Et là, la constante cosmologique ressurgit. Et donc, si vous voulez, l'erreur d'Einstein, elle a été, d'abord, ça a été un trait tout à fait intéressant pendant 10 ans. Ça a été une erreur de 1927 à 1998, et maintenant, on ne considère que, au contraire, c'est un trait de génie. Parce qu'il faut effectivement retrouver une autre constante pour expliquer que cet univers, compte tenu de l'attraction gravitationnelle, ne s'effondre pas sur lui-même. Oui, c'est ça. Il faut une pression négative pour quelque chose qui oblige l'univers, enfin, ou une énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. C'est-à-dire une énergie initiale qui propulse, effectivement, qui propulse qui donne une dimension extrême à l'univers observable. Voilà, tout ça, c'est un condensé un peu rapide que vous pouvez trouver dans ce livre qui est passionnant, Fabuleuses erreurs de Darwin et Einstein. J'aimerais, dans les dernières minutes de cette émission, Jean Audouze, qu'on parle un peu de cette notion d'erreur aujourd'hui appliquée à la recherche contemporaine. On a entendu beaucoup de chercheurs dire que aujourd'hui, bien, il faut au contraire publier toujours du résultat positif, qu'il y a moins de temps. Alors, blunder, l'errement, et justement, autant long pour pouvoir se tromper et ne pas toujours publier de manière fractionnée. Qu'en pensez-vous ? Si vous voulez, je pense que l'évolution de la recherche, elle est due à... Il y a deux facteurs. Il y a premièrement le nombre de scientifiques qui a cru de façon exponentielle. Et deuxièmement, le fait qu'on a des ordinateurs et tout ça. Et donc... effectivement, il y a une espèce de... Comme vous savez, il y a une loi qui dit que si vous ne publiez pas... Enfin, publish or perish, les grands savants dont on parle, que ce soit Darwin ou d'autres, ils auraient été collés, c'est-à-dire parce que entre deux publications, il pouvait s'écouler 20 ou 30 ans. Donc, si vous voulez, la mode actuelle de la recherche... à savoir publier fréquemment, publier souvent, essayer d'éviter les erreurs, en fait, n'est pas propice, si vous voulez, à cette maturation. Ça prend du temps pour faire un pas, ne serait-ce que pour examiner le fait que le phlogistique, ça marche pas, ça a pris un siècle. Aujourd'hui, on est sur la théorie des cordes, ou sur la matière noire, peut-être que ce sont des avenues qui vont déboucher sur rien. Ça a pris plusieurs dizaines d'années. Donc, si vous voulez, il y a une tendance, mais c'est un peu normal. Je veux dire, il y a beaucoup de monde, et donc effectivement, moi j'ai commencé ma carrière, les équipes étaient peu nombreuses et donc c'était un travail un peu artisanal. Maintenant, c'est devenu une sorte d'industrie où il faut produire. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que les nouveaux instruments coûtent fort cher. L'accès au spatial coûte fort cher. Effectivement, les décideurs, ils veulent des résultats assez rapidement. Donc, il y a tout une espèce de sociologie de la chose qui rend la maturation des idées un peu problématique. Est-ce que d'une certaine manière, la technicisation extrême aussi de la science, les nouveaux appareils, la puissance de calcul, tout ça rend l'erreur beaucoup plus courte, beaucoup plus vite identifiable? Oui, c'est vrai. C'est plus facile de la sanctionner, de la corriger. Non, je dirais oui et non, parce que ce qui marque aussi la science actuelle, si vous voulez, vous passez par ce qu'on appelle des modes. Je vais en donner un exemple en biologie. Jusqu'aux années 70, la biologie, c'était la botanique, c'était la zoologie, etc. Un certain nombre de... Bon. Et puis, la biologie moléculaire est arrivée. Hop! Et elle s'est imposée. Et ça veut dire que pendant 40, 50, 60 ans, le CNRS, les, les agences de recrutement n'ont plus recruté des zoologues ou des botanistes, ils ont recruté des gens qui faisaient de la biologie moléculaire. Puis on s'aperçoit maintenant que pour étudier pour travailler sur la biodiversité, par exemple, eh bien, on manque de ces gens-là. Et donc, on a, comment dire, c'est bien une mode, mais il faut savoir qu'elle a des côtés qui peuvent être négatifs. Et donc, il faut savoir aussi préserver, si vous voulez, certains domaines de recherche qui apparemment semblent un peu, comment, désuets, et puis qui peuvent s'avérer, in fine, au contraire, devenir très importants. Figurez-vous qu'on avait fait une émission précisément sur le renouveau de la botanique, parce que la génétique, la métagénomique, tout ça, ça permet d'identifier de nouvelles variétés de végétaux. On va vous mettre là aussi le lien sur le fil Facebook de l'émission. Un dernier mot, également Jean-Audou, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est intéressant parce que là aussi, on en a souvent parlé à ce micro, dans l'enseignement des sciences, la place de réhabiliter la place de l'erreur, le droit à l'erreur pour les enfants, mais aussi pour les étudiants. C'est un progrès qui est en cours, diriez-vous ? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'il faut l'accélérer ? À mon avis, si, il peut y avoir progrès à partir du moment où, dans les classes, on fait venir des chercheurs en activité. C'est-à-dire que, pas forcément, simplement qui démontrent, qui disent que il y a la science qu'on apprend dans les livres qui font partie des manuels. Et puis, il y a la science qui se fabrique au jour le jour. Par exemple, bon, il y a plusieurs phénomènes. Si vous voulez, en classe, il y a l'enseignant qui sait, et l'élève qui apprend, et puis il y a une sorte de hiérarchie. Lorsqu'on fait de la recherche, il peut s'avérer que le directeur de thèse n'a pas la solution et c'est l'élève qui l'a. Hein, et ça arrive fréquemment. Donc, de rappeler que c'est vraiment enseigner la science et la faire sentir ces deux activités assez différentes. Hein, à savoir que la science, ben, c'est quelque chose, c'est une progression, c'est une exploration. Et quand vous explorez, ben, forcément, vous, 90 ou même plusieurs fois, vous vous trompez et que l'erreur fait vraiment partie de l'ensemble du phénomène, enfin, de l'activité. Et il n'est pas possible d'imaginer une recherche scientifique féconde sans d'erreur. Ça veut dire que pour notamment, hein, c'est une grande question en termes de pédagogie, de nouvelles pédagogies. C'est-à-dire qu'en classe, il faut primer le fait que les étudiants, que les élèves puissent détailler un raisonnement, même si il aboutit à un résultat faux, de exact. Pouvoir. Alors vous savez, il y a par exemple, bon, ça se fait déjà. Là, il y a l'opération la main à la pâte, hein, c'est-à-dire c'est dans les classes du premier degré. On propose aux enfants de faire des petites expériences et de leur raconter ce qu'ils voient. Et donc c'est de montrer effectivement que c'est comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire de pas raconter ce que le professeur veut qu'on raconte, mais ce que l'on voit effectivement. Merci beaucoup Jean-Audouze, vous l'aurez compris, plantez-vous, trompez-vous, gourrez-vous, mettez les pieds en dehors du plat, bref, de toute façon, l'important c'est que vous essayiez, c'est exactement ce qu'ont fait avant vous de grands noms de la science comme Darwin, Einstein et d'autres, c'est ce que raconte Mario Livio dans ce livre passionnant, Fabuleuses erreurs de Darwin Einstein, que vous avez traduit et préfacé Jean-Audouze, cette édition CNRS, merci beaucoup, et puis également le livre de notre invité de ce début d'émission, Girolamo Ramouni, Les lieux des erreurs scientifiques, aux édition Le Cavalier Bleu. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Négat, Saint-Vulfrant, Tobim Denstock, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, toute l'actualité de la recherche et des sciences condensée en une heure. Ce sera demain, il sera question d'étoiles à neutrons, de mémoire épigénétique, de la cyberattaque d'un satellite français par un hacker russe et des spaghettis crus qui ne se cassent jamais en deux. Vous pouvez essayer chez vous, vous verrez, ça ne marche pas. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.